peine. On sait saper un peu mieux que les autres fois. La plupart du temps, rien ne nous arrête. Et pour un soir, on s'amuse comme des rois. On s'est mis de côté le pognon de la semaine pour boire un coup et s'en aller gâcher. En pensant à ceux qui nous font de la peine, on reste assis en regardant la télé. Bon sang, déjà 10 heures, on faudrait penser à danser. Et puis il y a des millettes, on va quand même pas les louper. Ben si passe le premier, s'il y a du monde, on va rentrer. C'est quand même un peu mieux que Drucker ou bien Sabatier. Sur les pieds, allez Jojo, genou de la cabrette. C'est sûr que ce soir on va bien rire.